Même à celui qui meurt pendu sans gloire, n'oublions pas de lui dire au revoir. N'oublions pas de lui dire au revoir. Même à celui qui meurt pendu sans gloire, n'oublions pas de lui dire au revoir. N'oublions pas de lui dire au revoir. Et même aux amoureux menteurs et sourds, même aux oiseaux du ciel, à nos saisons, même à l'enfant trouvé à jamais seul, même à ce fugitif, bel univers, même à celui qui meurt pendu sans gloire, n'oublions pas de lui dire au revoir. N'oublions pas de lui dire au revoir. Même au soleil qui donne à tous la vie, même au soleil qui donne à tous la vie, n'oublions pas de lui dire au revoir. N'oublions pas de lui dire au revoir.